Kim Jong-sun, présidente du comité central de l'Union des femmes démocratiques de Corée, a publié le 29 courant un entretien qui dit notamment « La présentation de la ligne et l'orientation par le maréchal Kim Jong-un au 7e congrès du Parti travail de Corée en matière de réunification du pays, en reflétant les vœux et l'aspiration de toute la nation pour l'unité nationale, est un grand événement ayant ouvert une nouvelle phase de tournant dans la réunification indépendante du pays. » En les considérant comme le programme et le drapeau éclairant la voie de la réunification indépendante, de la paix et de la prospérité, grâce à l'union de toute la nation, tous les membres de l'Union des femmes et autres femmes les soutiennent absolument. Pour détruire la muraille de division et ouvrir la brèche à la réunification de la patrie, conformément à l'aspiration et à la demande unanime de la nation, il faut tout d'abord maintenir invariablement la triple charte de la réunification de la patrie, et ensuite, appliquer parfaitement l'historique déclaration commune du 15 juin et celle du 4 octobre que le Nord et le Sud ont convenu et proclamé dans le monde entier. Les femmes du Nord et du Sud doivent réaliser les contacts, va-et-vient, solidarité, la réconciliation et le climat d'union. Elles doivent savoir que l'amélioration des rapports Nord-Sud et la réunification par système fédéral sont l'issue d'une nouvelle époque de la prospérité nationale et s'engagent toutes dans la juste lutte patriotique pour réunifier le pays. Toutes les femmes de notre République s'acquitteront de leurs responsabilités et missions dans la cause patriotique sacrée pour une puissance réunifiée digne et prospère, avec la dignité et la fierté immense d'avoir à la tête de notre œuvre le respecté maréchal.